Chapitre 17e, une mort à Hanefer. Madame Boeuf, installée dans ce qu'elle appelait son arrière-boutique, s'occupait d'un savonnage périodique. La journée était chaude, la vapeur brûlante, et Madame Buffel, tout en frottant son linge, se disait que jamais, sans doute, elle ne pourrait sentir un peu de fraîcheur. « Mam !» cria une jeune voix du fond du magasin. « La femme à Benjamin Tyrett demande si vous voulez lui donner une goutte de vinaigre. Faut-il que je la serve ?» C'était la fillette qui servait à la boutique les jours de savonnage. Madame Buffel, les mains dans son eau de savon, passa sa figure toute rouge par-dessus son baquet et mit la tête à la porte pour répondre. « Mathie, dis à Marianne Tyrett qu'elle m'a promis de m'apporter sans faute un acompte cette semaine et que je n'en ai pas encore vu la couleur. Elle dit que c'est pour mettre sur la tête de son mari, » insista de nouveau Mathie. « Tyrett est dans son lit malade et vient de s'évanouir. »« Ça lui vient bien, » dit Madame Buffel. « Oui, vous pouvez lui donner du vinaigre, Mathie. Dites-lui qu'il n'y en a pour un sou. J'ai entendu dire qu'il s'était remis à boire, » ajouta-t-elle en se parlant toute seule, « et qu'il se laissait tomber sur la route toute mouillée la nuit passée, et qu'on l'y avait trouvé le lendemain matin. » Un peu plus tard, William Halliburton, passant par un effet, rencontra Charlotte Matisse. Elle l'arrêta. « Savez-vous, monsieur, que Tyrett va mourir ?» lui demanda-t-elle. « Tyrett ?» s'écria William avec étonnement. « Qu'est-ce qui prétend cela ?»« Le docteur, je suppose, monsieur. Il est vrai qu'il en a tout l'air. Marianne m'a envoyé chercher, et je suis allé le voir. Mais que lui est-il arrivé ? Il était encore à l'ouvrage avant-hier. » Il travaillait, c'est vrai, monsieur, mais il ne pouvait déjà plus parler, car la maladie le tenait et était tombée sur la poitrine. Cette nuit, après avoir quitté son ouvrage, au lieu de rentrer chez lui manger une bonne assiette de soupe chaude, il est allé à la belle grappe, et il s'est mis à boire si bien qu'il ne pouvait plus tenir sur ses jambes. Comment ? Et c'est dans cet état qu'il est allé à la belle grappe ? Ce n'est pas tout, monsieur, continua Charlotte. Le jour, si vous vous en souvenez, a été très humide. Il paraît qu'il est tombé dans la rue d'Oxley et qu'il est resté couché là jusqu'au matin. Le vin qu'il a pris, cette nuit passée à l'humidité, lui a donné une fluxion de poitrine, et le médecin dit qu'il n'a plus que quelques heures à vivre. « J'en suis bien fâché, » dit William. « A-t-il sa connaissance ?»« Trop seulement, en un sens, monsieur. Ses remords sont effrayants. Il dit que s'il ne s'était pas si mal conduit, il mourrait convenablement, et non pas comme un misérable. » William continua sa route, affecté par cette nouvelle. Comme il passait devant la cabane de Tyrett, il entra. Marianne pleurait et gémissait au milieu des nombreuses voisines qui encombraient la cuisine. Toutes bavardaient à qui mieux mieux. Madame Cross, pour laisser la maison tranquille, avait emmené chez elle les trois petits-enfants et le malade était couché à l'étage au-dessus, entouré de plusieurs de ses camarades. Quelques-unes des commères, un peu honteuses d'être surprises par William, se glissèrent hors de la maison. La déférence qu'on avait pour lui était chose remarquable. Et quoiqu'il ne s'en prévalût jamais, et qu'il fût toujours aimable et poli, les ouvriers, avec leur perspicacité habituelle, savaient bien qu'ils avaient affaire à un homme réellement supérieur. « Madame Tyrett, » dit-il, « voilà de bien mauvaises nouvelles. Votre mari est-il donc si malade ? Oh, il va mourir !» dit-elle en gémissant et en se désespérant. Quelle que était la manière dont ils avaient vécu ensemble, il était son mari, elle ne pouvait l'oublier dans ce moment de crise. Et l'avenir l'épouvantait. Elle allait rester veuve avec trois enfants bas âge et n'avait d'autre perspective que la maison de travail. « Il mourra tout de même, » s'inquiétait-elle, « mais il aurait pu vivre quelques heures de plus si j'avais pu avoir ce que le médecin m'a ordonné. » William ne comprenait pas. « Il a ordonné un vésicatoire et une médecine, monsieur, » expliqua une des femmes. « Le docteur a écrit tout ça sur un morceau de papier et a dit qu'il fallait le porter à la pharmacie la plus voisine. » Mais quand il n'y a été, Darwin, le pharmacien, a répondu qu'il ne voulait pas faire crédit au Tyrett. Ce n'est donc pas M. Parry qui est venu ? C'était un médecin étranger, monsieur. Tyrett doit encore les visites de sa dernière maladie à M. Parry, et on n'a pas osé le faire appeler sans l'avoir payé. Ces pharmaciens sont bien exigeants. Il faut toujours qu'on aille chez eux l'argent à la main. William demande d'avoir l'ordonnance. Il l'a lu aussi couramment que le meilleur pharmacien de Hudsonley. Il déchira une feuille de son carnet. Il écrivit quelques mots au crayon, la plia avec la prescription, et dit à une des femmes de retourner chez le pharmacien, puis monta à la chambre du malade. Tyrett était étendu sur une mauvaise paillasse. Une couverture et un misérable couvre-pied de coton bleu le recouvraient. Sa respiration était oppressée, et sa figure portait l'empreinte d'une vive souffrance. William s'approcha de lui en courbant la tête pour ne pas se heurter au plafond. « Je m'en vais, monsieur, je m'en vais !» s'écria Tyrell d'une voix lamentable. « Aussi bientôt la fin. »« J'espère que non, » dit William. « J'espère que vous irez mieux. On va vous mettre un vésicatoire et... »« Mais non, monsieur, » interrompit un des hommes. « Darwin ne veut pas l'envoyer. »« Oh, il l'enverra. Si on lui demande convenablement, on est retourné chez lui. » « Souffrez-vous beaucoup, Tyrell ?»« Je souffre l'enfer, là, monsieur, » montrant sa poitrine. « Mais ce n'est rien, en comparaison de ma douleur d'esprit, monsieur. »« Oh, monsieur Haliburton, vous êtes bon, vous. Vous n'avez rien à vous reprocher. Ne pouvez rien faire pour moi. Je vais aller en présence de mon Créateur. Il est irrité contre moi. » William ne savait que répondre. Tyrell gémissait et se tordait les mains. « Charlotte Matisse est venue tout à l'heure. Il m'a dit d'aller à Christ. » Qu'il aurait compassion de moi, qu'il me pardonnerait. Mais comment est-ce que je puis aller à lui? Quand j'essaye, je vois toute ma vie passée qui s'élève contre moi. J'étais un pécheur, un méchant. Je n'ai jamais une seule fois de ma vie cherché à plaire à Dieu. » Ces mots résonnaient lugubrement dans la chambre silencieuse. Jamais une seule fois n'avoir cherché à plaire à Dieu pendant le cours d'une vie entière. « Je n'ai jamais pensé à Dieu, » continuait-il par intervalles. « Je ne me suis jamais inquiété de lui. » Je n'ai jamais fait la moindre des choses pour lui, et maintenant je vais me trouver en face de sa colère. Je ne puis plus vivre bien longtemps. Sam, essuie-moi le front, voulez-vous? Vous serez peut-être épargné, dit William. Peut-être Dieu vous fera-t-il grâce et votre vie future témoignera votre repentance et fera oublier aux hommes votre passé. Non, je ne serai pas épargné, je sais bien que tout est fini. Je vais m'en aller, il n'y a personne qui me donne un mot de consolation. Vous, monsieur. « Ne pouvez-vous donc rien me dire? Je m'en vais à la rencontre d'un Dieu irrité contre moi. » William se pencha sur lui. « Je vous répéterai la même chose que Charlotte, » murmura-t-il. « Essayez de trouver votre sauveur. Il fait miséricorde à la 11e heure. »« Je n'ai plus le temps de le trouver, » haleta le malheureux. « Je l'aurais bien cherché si j'en avais eu le temps, mais il est trop tard maintenant. » William, intimidé par sa jeunesse et son inexpérience, ne savait que répondre. Il fit chercher un pasteur qui arriva en toute hâte. William retourna chez lui, souhaitant du fond de son cœur le soulagement du malade. Les remèdes demandés par William furent bientôt apportés, mais son espérance ne se réalisa pas. Tyrell expira le lendemain matin. Quand William alla de bonne heure savoir de ses nouvelles, il le trouva mort. Quelques-uns des ouvriers qu'il avait vus la veille chez Tyrell étaient réunis dans la cuisine. « Il vient de s'en aller, monsieur, » lui dirent-ils. Les hommes sont avec lui maintenant. Elles ont emmené sa femme chez sa mère. Elle criait tellement. Il est mort avec ce vésicatoire sous la poitrine. Est-il mort en paix? Demanda William. C'était affreux jusqu'à la fin, monsieur. Il n'a fait que gémir, crier et se tordre dans les mains, dit l'un des ouvriers. Sa sœur est venue. Elle est joliment dure, la Lisa Tyrell. Et elle a éclaté en reproches contre sa femme, lui criant que c'était sa faute à elle si son mari s'est mis à boire. Et puis le ministre qui n'a rien pu faire pour lui. Ajouta l'ouvrier en baissant la voix. Comment il n'a rien pu faire? L'ouvrier secoua la tête. Tyrell n'était pas prêt à s'en aller, monsieur. Il n'a fait que crier qu'il avait mené une mauvaise conduite, qu'il n'avait jamais pensé à Dieu. Ça a été son dernier mot. Ce n'est pas heureux, monsieur, de mourir comme ça. Ça nous a joliment ennuyés, monsieur. On s'est mis comme ça à penser que l'espèce d'endroit c'est de l'autre côté, là où il est allé. William leva la tête. Un rayon d'espoir animait sa figure. Il dit amicalement aux assistants. La mort de ce pauvre Tyrell ne pourrait-elle pas être un avertissement pour vous? Il y eut un silence complet. Cinq hommes étaient présents, tous les cinq menant une vie de désordre. Ils n'aimaient guère qu'on leur parlât de religion, quoique le moment actuel fût plein de sérieux. La religion est affreusement triste, monsieur, dit l'un. La religion triste? Répéta William. Il y a bien des gens qui ont fait une affaire triste. Mais ceux-là ne la connaissent pas. Je ne crois pas que nous ayons été envoyés dans le monde pour être tristes. C'est bien assez tôt quand les chagrins nous arrivent. Alors, qu'est-ce que c'est que la religion? Demanda l'un des ouvriers. C'est un bonheur que l'on sent mieux qu'on ne peut l'exprimer, répondit William. Je ne suis pas pasteur et je n'ai pas la prétention de vous enseigner la religion. D'ailleurs, nous ne nous entendrions jamais là-dessus. Quand même, nous discuterions toute la journée. J'aimerais mieux vous parler de la vie et de ses devoirs. Tyrell disait toujours qu'il n'avait jamais rempli aucun de ses devoirs, monsieur. Il n'a fait que crier ça toute la nuit. Il répétait qu'il avait bu, qu'il avait juré, qu'il avait battu sa femme et fait tout ce qu'il n'aurait pas dû faire. Je crains, hélas, que ce ne soit que trop vrai. L'existence du pauvre Tyrell s'est divisée en trois phases. Boire, travailler et se quereller. Je crains fort qu'on en puisse dire autant de bien des gens de Hanefer. » La conscience des ouvriers les reprenait. Quelques-uns commençaient à se tenir debout sur une jambe d'un air embarrassé. Comme Tyred, ils avaient l'habitude de boire, de se quereller, et ils avaient plus d'une fois battu leur femme. « Bien des fois, poursuivit William, j'ai engagé Benjamin Tyred à venir chez Robert Matisse. Il ne l'a jamais voulu. Mais je puis vous affirmer que s'il était venu il y a un an, quand la société, comme on l'appelle, s'est formée, il serait aujourd'hui robuste et bien portant. Monsieur, voulez-vous dire qu'il serait devenu pieux ? Je dis que, indépendamment de ce qui touche à la religion, si Tyred avait convenablement passé ses soirées au lieu d'aller au cabaret, il aurait eu d'autres pensées, à la suite desquelles sa conduite aurait changé. Rappelez-vous ce qu'était son beau-père, Cross. Il vivait sans espérance et sans but, à couteau tiré avec sa femme et avec tout le monde, souhaitant la mort à chaque instant, et voyez-le maintenant. Il y en a beaucoup qui pensent et font encore aujourd'hui ce qu'il faisait jadis. Voyez Cross, a-t-il la figure sale et les habits troués, lui ? Intérieurement repris, les ouvriers riaient et essayaient de cacher leurs coudes. C'est pourtant vrai, dit l'un. Cross et quelques autres sont joliment changés. Changés à l'intérieur comme au dehors, dit William. Ils ont acquis le respect d'eux-mêmes, une des meilleures qualités de l'homme. Ils ne voudraient pas qu'on les vit dans la rue en guenilles ou pris de vin. Eh bien, ce sont leurs soirées chez Matisse qui sont cause de ce changement. Ils ont compris qu'il valait beaucoup mieux passer convenablement sa vie sur la terre que d'y être mal à l'aise. Dans peu de temps, Cross achètera de nouveaux meubles et rentrera dans son ancienne maison. Lui et beaucoup d'autres aussi, je l'espère, commenceront à se fournir de meubles d'une autre espèce. De quelle espèce, monsieur ? Les meubles dont ils auront besoin pour la vie à venir, dans laquelle Tyred vient d'entrer, répondit William d'un ton plus sérieux. C'est une vie qui doit venir un jour, vous le savez. Le temps que nous passons ici-bas en comparaison de l'éternité ressemble à une goutte d'eau jetée dans la rivière qui traverse la ville. Allons, mes amis. La première fois que je vais chez Matisse, en êtes-vous tous les cinq ? Nous, monsieur ? Oui, vous ? Quoique j'ai su que vous avez donné à ceux de vos amis qui y vont le joli surnom de vache molle. Je tiens à ce que vous y veniez ce soir. Si cela ne vous plaît pas, vous savez que vous êtes libre de ne pas revenir. Vous viendrez pour me faire plaisir, n'est-ce pas ? Les cinq ouvriers promirent, et William partit content tout en se demandant comment Robert s'y prendrait pour placer tout son monde. Quelques pas plus loin, il rencontra Madame Baffle. Elle l'arrêta pour lui parler de Tyred. « Il aurait bien mieux valu qu'elle passât son temps chez Matisse qu'au cabaret, » observa-t-elle. « C'est précisément ce que nous disions, » repartit William. « Je voudrais y amener tout Hanefer, quoique nous ayons déjà plus de place. Je jette quelquefois un œil d'envie sur ce grand bâtiment, qu'on dit avoir été construit par les Mormons, et abandonné à la suite d'une discussion relative au nombre de femmes que chaque ancien devait avoir avec lui. « Oh, les affreux hommes !» s'écria Madame Buffle en apostrophant les anciens des Mormons. « C'est bien assez d'un au coin de son feu sans en avoir encore un nombre illimité de ces êtres-là. »« Ce n'est pas la question, » dit William en riant. « Il s'agissait de femmes et non de maris. Je voudrais bien que nous puissions avoir ce bâtiment. Matisse devra bientôt tenir la réunion dans son jardin. »« Il n'y a pas moyen de nier que cette réunion a fait grand bien, en effet, » avoua Madame Buffle. « C'est pas seulement les hommes qui sont devenus plus respectables, mais bien aussi les femmes. Vous le savez bien, monsieur. » Quand ils allaient au cabaret, ils dépensaient tout leur argent et puis ils revenaient battre leurs femmes. Maintenant, ils ne grognent plus et ne dépensent plus leur argent au cabaret. Les femmes se conduisent mieux et le ménage marche assez bien. Ce n'est pourtant pas à dire qu'il n'y ait pas encore beaucoup à faire, acheva Madame Buffle d'un ton protecteur. Cela viendra avec le temps, Madame Buffle, reprit William. Ce qu'il nous faudrait pour le moment, ce serait une salle plus vaste. Et avec une cheminée, suggéra Madame Buffle. Oh oui! « Que ferait-on sans feu pendant l'hiver ? L'important, c'est d'être confortablement. »« N'était la cheminée, monsieur, je vous aurais bien offert notre grand grenier. »« Mais c'est la plus grande bêtise du monde que cette cheminée. »« Dès qu'on y fait du feu, black ça fume, et puis ça passe dans la boutique ou que ça vous aveugle la pratique. »« Naturellement, dit William, il faudra bien nous en tenir à notre vieux bâtiment, après tout. »